Tome 1, partie 2, chapitre 12, Cœur de père. Malgré qu'elle fût diablement invraisemblable et forte de calibre, suivant la métaphore de Maître David, la découverte de la môme Ledoux n'en était pas moins rigoureusement exacte. Adrienne de Charmeuse s'était encore rendue chez Jean Robin. Il fallait que l'exquise et douce créature fût poussée par des motifs puissants et étrangement impérieux pour se résoudre dans un pareil moment à une entrevue avec l'homme qu'elle aimait. Oui, qu'elle aimait de cette tendresse chaste, de cette passion suave et pure qui ennoblit les défaillances, relève la femme des chutes imméritées, trop souvent inconscientes. Mais ce n'était pas l'amante qui allait chez l'être aimé de son cœur. Jean Robin n'était plus, en ce moment terrible, l'homme choisi entre tous par son âme adorable. Elle ne voyait pas en lui l'idéal, l'élu, celui à qui elle s'était donnée toute, à qui, pour toujours, elle appartenait. C'était encore moins pour elle le roi de la pierre, le grand capitaliste, le puissant dompteur d'hommes qui jetait à ses pieds les vautours de la finance, les corbeaux de la presse. Jean Robin était le père de son enfant. Elle venait avec des pensées d'une infinie douleur, pleine des affres de son agonie maternelle, lamentable, désespérée. La madone des sept douleurs, éperdue, mourante, anéantie au pied du crucifié. Mater Dolorosa. À toutes ces pressantes questions, Valentine Clément avait répondu « Le comte Roger m'a juré que votre mignonnette était morte. » D'un geste brusque, souverain, elle écarta les laquais de l'antichambre, traversa les allées d'une écrasante richesse où le goût de Jean Robin avait entassé des merveilles. Elle ne jeta pas un coup d'œil sur tous ces trésors amoncelés qui eussent fait la fortune de 10 musées. Que lui importait ? C'était une mère à qui on avait volé son enfant. Et pour des yeux de mère qui pleurent l'être frêle et rose qu'on a ravi à leur sourire, à leur adoration, pour ces yeux pleins de larmes cruelles, il n'y a plus d'autre trésor. Monsieur ne peut recevoir personne. Encore un serviteur, de grand style, impeccable dans sa tenue rigide, tel un magistrat ou un diplomate. Il veillait à la porte des appartements particuliers de Jean Robin, et il fit un mouvement pour s'opposer au passage de l'intruse. Il répéta, voyant qu'elle ne tenait pas compte de sa défense, « Madame, c'est impossible. » Et à part lui, il pensa, « Vraiment, l'audace des femmes est quelque chose d'inouï. » Adrienne eut un tel regard, l'autorité de son attitude fut telle que, chose invraisemblable, le protocole fléchit un instant, ce protocole qui s'était montré tout à l'heure si irréductible pour Brinchal et l'état-major du reportage. Adrienne se contenta de dire « Je passerai, il faut que je parle à votre maître à l'instant. » Et pour finir, « Vous êtes à mes ordres, cela vous suffit-il ? » Elle écarta le larbin subitement effondré et se retrouva chez son amant. Jean Robin, occupé à dépouiller sa correspondance, leva la tête lorsqu'il entendit la porte s'ouvrir. Il reconnut sa bien-aimée et tout de suite il fut auprès d'elle. « Toi, Adrienne, ici ? Oh, merci ! Et notre fille ?» Il balbutia, voyant la figure pâle, infiniment douloureuse d'Adrienne. « Quoi ? Un nouveau malheur ? Dis, voyons, parle vite ! Ma fille, notre enfant, malade, morte peut-être. » Adrienne s'était laissée tomber dans un fauteuil. Ses larmes coulaient silencieusement. Elle put à peine articuler. Disparue, enlevée, morte, comme tu dis. Oh, le misérable. Jean Robin avait compris. L'expression de son visage devint farouche. C'est lui, encore lui, naturellement. Quand il y a une lâcheté, une infamie, un crime à commettre, ne cherchez pas le criminel, l'infâme, le lâche. C'est monsieur le comte de... Oh, pardon, Adrienne, tu portes encore son nom. Mais comment, voyons, dis-moi, dis-moi tout. Notre fille était à la campagne, chez sa tante. » Un sourd gémissement lui répondit. Adrienne se souleva péniblement et prononça ces seuls mots. « Écoute, Jean, celle-là n'était pas notre fille. » Il la regardait, atterré, confondu. « Voyons, parle, dis-moi tout, fit-il. Je suis assez fort pour l'entendre. Dis-moi à quel degré d'abjection cet être infâme et vil entre tous est descendu. » Un sanglot fut la réponse. Jean Robin eut un sursaut violent. Il se révoltait contre la destinée inique, contre les turpitudes de la vie, contre tout. Il gémit, il hurla, puisqu'il ne prononça ces mots. « Enfin, voyons, dis, qu'en a-t-il fait, le misérable ?» La douce et malheureuse Adrienne fit appel à toutes les énergies de son âme. Elle chassa loin d'elle, comme des papillons noirs, toute l'intense mélancolie de ses rêves déçus, de ses espoirs avortés. Elle se raidit dans sa douleur profonde et fit, à celui qui était l'élu de son cœur, le récit de la criminelle substitution opérée par le comte de Charmeuse, son mari, si, toutefois, on pouvait lui donner ce nom, ce doux nom qui, pour la femme aimante, évoque la gloire exquise des légitimes amours enfin couronnés, les joies, les orgueils triomphants de la maternité. Adrienne raconta à Jean Robin, dans tous ses détails, la triste confession que la pauvre fille séduite par le comte venait de lui faire. Lamentable roman que nos lecteurs connaissent dans toute sa dramatique horreur. Elle parlait d'une voix saccadée, avec des paroles pleines de honte, où la pudeur se teintait des sombres reflets de la rage, de la haine. Et cependant, bien qu'il l'eût dit à Valentine Clément, Adrienne se refusait à croire que le comte eût voué à la mort la petite rose aimée. « Quelque chose là, dit-elle, en mettant la main sur son cœur, me crie qu'elle vit encore. » Jean Robin semblait absorbé dans ses pensées. Calculateur presque infaillible, ses millions étaient là pour le prouver, doué d'une puissance de logique difficile à mettre en défaut, il savait embrasser les points forts ou faibles d'une situation, et son esprit, de suite, en déduisait nettement la solution vraie. Le peuple appelle même cette rare et précieuse faculté le coup d'œil américain. C'est, pour les poètes, le regard altier de l'aigle sur les cimes. Pour tout le monde, c'est le don qui fait que l'on peut vaincre, que l'on sait dominer les hommes et les circonstances. Cher et douce amie, je n'osais, de crainte de te donner de fausses joies ou, tout au moins, de faire naître en toi une illusion, te dire que j'y ai songé, car si c'était ta pensée, c'était aussi la mienne, et plus j'y songe, plus chez moi cela devient une certitude. Le satanique personnage, qu'est le noble comte de Charmeuse, a vu là, n'en doutons pas, une carte à jouer, comme on dit dans l'argot des salons, qui est à la hauteur de celui des barrières. Et cette carte, il la jouera, un jour ou l'autre, tu peux en être sûr. À force de jouer au tripot et dans la vie, l'argent qu'il n'a pas et l'honneur qu'il n'a plus, ce descendant des croisés, acculé, aux abois, ne reculera devant rien. Substitution d'enfant, faux dans un acte de l'état civil, c'était assurément une grosse partie, dont l'enjeu était le bagne, mais... Jean Robin s'arrêta. Adrienne leva vers lui ses doux yeux que les larmes avaient rougis. Elle dit « Tu crois qu'il aurait gardé l'enfant pour... Mon Dieu, je ne sais pas. Tout est possible avec un homme pareil. Il peut se faire, néanmoins, qu'il n'ait fait disparaître l'enfant que dans un sentiment de basse vengeance, mais les auxiliaires auxquels il s'est adressé pour l'aider dans son crime lâche et vil, ces gens-là, en supposant que cette pensée ne lui soit point venue à lui-même, ont pu calculer tout l'intérêt qu'ils avaient à conserver l'enfant, soit pour faire chanter le comte qu'ils tiennent par son criminel secret, soit pour le rendre, moyennant finances, aux parents, sans nul doute riches, auxquels il a été ravi. Adrienne l'écoutait dans le plus grand, dans le plus profond recueillement. Et quand il eut fini, « Oh Jean, mon Jean !» s'écria-t-elle, « puisses-tu dire vrai ? Oh, si notre fille, si notre rose aimée, après tant d'années, nous était rendue, il n'y a pas de fortune !» Jean Robin s'approcha d'elle, lui prit la main, et avec une gravité en quelque sorte solennelle, il prononça lentement ces paroles. « Écoute, Adrienne, je le jure ici devant Dieu, devant ton amour qui est pour moi plus que Dieu, je jure de ne goûter à aucune joie, de ne prendre plaisir à rien, de n'avoir ni repos, ni trêve, ni bonheur, ni tranquillité, avant d'avoir retrouvé, morte ou vivante, ma fille, notre fille. Morte pour pleurer sur sa tombe, vivante pour l'arracher à la misère, l'aimer, l'adorer, en faire la plus riche, la plus heureuse, la plus enviée des filles de riches. » Adrienne s'était levée, elle quitta ce fauteuil dans lequel elle s'était effondrée en entrant, écrasée, broyée par son immense, par son incurable douleur. L'énergie farouche, l'enthousiasme sublime qui animait cet homme qu'elle adorait de toutes les forces de son cœur chaste et tendre, avait fini par gagner son âme. Jean Robin continuait. « Nous la retrouverons, nous la vengerons, la pauvre enfant !» L'innocente et douce victime du misérable infâme, dont le nom ne doit plus souiller nos lèvres. Et dussé-je y consacrer ma fortune, qui est grande, immense, telle que personne, pas même moi, n'en sait exactement le chiffre, dussé-je ? Il eut un sanglot de véritable folie, et, tenant toujours Adrienne par la main, il la promena, insensée, à travers ses salons, ses galeries, ses halls, au milieu de ses collections, de ses richesses, de son opulence capable d'éclipser toutes les splendeurs orientales des mille et une nuits. Dussé-je, moi, artiste, abandonner ces marbres de Carrare, ces colonnes de Porphyre et d'Onyx, ces glaces de Venise, ces bronzes florentins, tiens, regarde, et ces coupes d'argent dues aux divins ciseaux de Benvenuto Cellini. Quand bien même il me faudrait vendre ce millet qui vaut 800 000 francs, et ces Velasquez, ce Ribera et ce Titien, tous ces vieux maîtres que l'on se disputerait au feu des enchères dans les salles de l'hôtel Drouot, et s'il fallait que le marteau du commissaire priseur éparpillât ces émaux cloisonnés du vieux Japon, ces potiches datées de la dynastie des Ming, ces vieilles laques du temps des Tsing Nangfan, et ces kakémonos vieux de 6 siècles, ces faïences italiennes signées du grand Luca della Robbia, s'il me fallait donner tout cela, et de ces bras robustes, il eut un geste d'étreinte, immense, dévorateur, le geste d'Hercule étouffant le lion de Némée. Il poursuivit, oui, tout, tu m'entends bien, Adrienne ? S'il me fallait quitter tout cela, ce gigantesque labeur de ma vie, ce palais fait de pierres cimentées par ma chair et mon sang, dont les poutres de fer sont mes muscles et mes nerfs, ce monument superbe qui est moi, qui est mon être, s'il me fallait abandonner cette force sublime où se sont brassés, non pas de simples, de malheureux millions, mais des milliards, tu me comprends bien au moins, Adrienne, des milliards pour toi. » Elle se sentait comme écrasée, éblouie, abasourdie, affolée, elle aussi. Dans ses oreilles, ainsi que l'écho lointain de fêtes incroyables, féeriques, ces mots résonnaient dans un tintement fou d'or et de diamants précieux. Des milliards !» Mais en même temps, un cri lui arrivait, très faible, très grêle, le vagissement de sa fille venant au monde. Et ce cri, ce doux cri qu'une nourrice apaise, couvrait à lui seul tout le bruit de l'or. Ses yeux voyaient une magique et fulgurante auréole au milieu de laquelle éclataient, resplendissaient ces mots fatidiques, presque impossibles à concevoir pour une cervelle humaine. Des milliards, des milliards! Mais des larmes venaient, qui inondaient ses yeux, les larmes de la mère à qui on a ravi son tout petit enfant, et leur flot effaçait la vision éblouissante. À nouveau, elle s'était assise et, son énergie tombée, elle pleurait. Jean Robin, auprès d'elle, plus calme à présent, l'enveloppait de la douceur caressante de ses paroles. « Adrienne, ma noble, mon angélique amie, je sais de quelles machinations infâmes tu as été victime. Je connais les pièges vils, les lâches guet-apens que l'on t'a tendus, la convoitise abjecte du plus malhonnête, du plus méprisable des hommes, celui que la loi appelle ton mari. Sa haine basse et rampante a crucifié ton cœur, dilapidé ta fortune. Elle t'a attaqué dans ce que tu avais de plus cher au monde. Il ne lui suffisait pas de te prendre ton argent pour l'engloutir dans le gouffre sans fond de ses abominables passions. Il fallait encore qu'il vînt nous voler notre enfant, s'il ne l'a pas tué. Et pour moi, j'en suis convaincue, il ne l'a pas tué. S'il ne l'a pas tué, si elle n'est pas morte, qu'en a-t-il fait le misérable? Ma fille, qui me dira ce qu'est devenue notre fille? Le front soucieux, haletant, enfiévré, le roi de la pierre se promenait à grands pas dans la salle luxueuse où il se trouvait avec Adrienne. Un cadre d'or pour un tableau de désolation. Ce qui fait la grandeur des vrais poètes, c'est que, toujours, dans les cris de la passion, au milieu du drame brutal de la vie, leur note fut simplement, et l'on pourrait dire divinement, humaine. L'immortel Shakespeare nous représente Richard III vaincu par Henri Tudor en 1485 à la fin de la guerre des Deux Roses sur le champ de bataille de Bosworth. Et là, au milieu de sa défaite, celui qui fut le sinistre duc de Gloucester, l'assassin de ses neveux, les enfants d'Édouard, s'écrie « un cheval, mon royaume pour un cheval !» Le roi de la pierre, l'honnête et laborieux Jean Robin, qui ne devait son immense, sa surprenante fortune qu'à son rude labeur, à son infatigable ténacité, arpentait, à grands pas, les pièces splendides de son hôtel, nous devrions plutôt dire de son palais, en répétant « Où donc est ma fille? Ma fille? Je donnerais toute ma fortune pour savoir seulement où se trouve ma fille !»